Donc on va recommencer rapidement. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence le cours 102 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc dans le livre où le Cheikh expliquait par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mentionne la discussion qu'il y a eu entre Adam et Moussa alayhim assalam, et par rapport au fait de comprendre la différence entre les épreuves et les malheurs qui nous touchent et les péchés qu'on commet. Et le cheikh expliquait que en ce qui concerne les épreuves et les malheurs qui nous touchent, l'obligation du croyant par rapport à ça, c'est de faire preuve de patience. Lorsqu'on est touché par un malheur, de faire preuve de patience et d'endurer d'espérer une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette patience. Et également, en ce qui concerne les péchés, eh bien, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir de ces péchés-là. Et donc, on voit que dans les deux cas, il y a une attitude spécifique à adopter. Et que ce n'est pas les deux la même. Et une des raisons pour ça, c'est que, comme on a expliqué déjà, les malheurs qui nous arrivent sont des choses prédestinées, et les péchés qu'on commet, eh bien, c'est quelque chose que, même si c'est prédestiné, c'est quand même quelque chose qu'on a fait de notre plein gré. Ce n'est pas la même chose qu'un malheur ou quelque chose sur laquelle on n'a aucune décision. Et aucun choix et aucune volonté. Donc le péché, c'est différent puisqu'on le choisit et on le fait de notre plein gré. Et on a notre volonté qui est impliquée, notre capacité de faire les choses. Donc on est responsable de nos actions et de nos péchés. Et donc c'est pour ça que ça exige la repentance et le fait de demander pardon. On a parlé de ça au dernier cours et on a expliqué aussi la différence entre as-sabr par rapport au malheur, de faire preuve de patience. Puis un autre degré qui a rapport avec ça, c'est ar-rida, le fait d'être satisfait vis-à-vis de l'épreuve et du malheur qui nous touche. Et un autre degré qui est encore plus haut que celui-là, c'est ash-shukr ala al-musiba, c'est-à-dire d'être reconnaissant et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour un malheur qui nous arrive. Alors que ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre ce degré-là, et ça, c'est un degré plus élevé encore. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite, après avoir mentionné, il dit, par rapport à la reconnaissance et au remerciement vis-à-vis des malheurs, il dit, « حَيْثُ جَعَلَهَا سَبَبًا لِتَكْفِرِ خَطَايَاهُ وَرَفْعِ دَرَجَاتِهِ وَ إنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ici que la personne donc, qui est atteinte par un malheur et qui va être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce malheur-là. Et ça, c'est un degré, on a expliqué, c'est un degré extrêmement élevé parmi les degrés de la foi. Et la raison de ce remerciement-là, c'est quoi? C'est parce que le fait que la personne qui a été atteinte par ce malheur, elle voit les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait, et du fait que cette épreuve ou ce malheur sera une cause pour que ses péchés soient expiés et effacés. Donc il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, wa idha kana laysa 'indahu sayyi'at wa asabathu musibah yarfa' Allahu biha darajati يرفع الله بها درجاته في الجنة لأن الله قد يكتب للعبد درجة في الجنة لا يبلغها بالعمل ويقدر الله عليه المصائب من أجل أن يرفع الله بها درجات درجاته أي نعم يرفع الله بها درجاته في الجنة، لأن الله قد يكتب للعبد درجة في الجنة لا يبلغها بالعمل، فيقدر الله عليه المصائب من أجل أن يرفع الله بها درجاته في الجنة. Donc le cheikh il explique que lorsque un serviteur n'a pas de, supposons qu'un serviteur n'a pas de péché et qu'il est atteint par un malheur quelconque, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il n'a pas de péché à expier cette personne, puisqu'il n'avait pas commis de péché, ou bien parce qu'il en avait commis mais il s'en était repenti déjà, alors par rapport à ce malheur-là, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever en degré dans le paradis. Et donc, si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala avait, par rapport à ses œuvres ou par rapport à qu'est-ce qu'il méritait, il l'avait établi dans un des degrés du paradis, et que Allah subhanahu wa ta'ala avait prescrit pour lui ou écrit pour lui qu'il allait être dans un degré plus élevé qui ne pouvait pas être atteint uniquement par ses œuvres, hein, eh bien Allah prédestine et fait en sorte que cette personne-là soit atteinte par un malheur qui va faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever en degré dans le paradis à cause de ce malheur-là. Parce que la personne est atteinte par ce malheur et il fait preuve de patience et d'endurance face à ce malheur-là et il reconnaît que ce malheur lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est patient et il endure. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré et le fait rentrer dans un degré du paradis qui est plus haut, hein, et qu'il ne pouvait pas atteindre uniquement par ses œuvres. Après, le cheikh, il explique et il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, « وَرَفْعِ دَرَجَاتِهِ » Donc, c'est ça qu'on vient d'expliquer ici, le fait que la personne, on va expier ses péchés et on va l'élever en degré. Et de même qu'il va se repentir et revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, et yani, se revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'humilier, s'humilier à Allah subhanahu wa ta'ala et se faire humble devant Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça justement, parce qu'il réalise son état, sa situation et sa faiblesse dans ce malheur là ou dans cette maladie ou dans ce qui l'atteint. Et donc, par rapport à ça, il devient plus humble envers son créateur. Et le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il mentionne par rapport à ça, il dit, يَتَذَكَّرُ ذُنُوبَهُ فَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ. Donc, il se souvient de son péché, alors il va se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne, par exemple, qui est dans cette situation-là, où il est touché par un malheur, ou touché par une difficulté, ou touché par une épreuve, ou touché par une maladie, ou touché par un accident, la personne, dans cette situation-là, elle change sa façon de penser, elle change sa façon de voir la vie, et elle réalise à quel point sa vie, elle est sensible, elle est fragile, et à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, à n'importe quel moment, est capable de reprendre son âme. Alors, il devient plus conscient de la réalité pour laquelle il a été créé. Et il se rappelle de ses péchés, alors il va être humble envers Allah et il va se repentir. Hein? Parce qu'il réalise que s'il meurt dans cet état-là, eh bien, avec tous les péchés qu'il a commis, il risque des châtiments ou bien une punition. Alors, ça l'amène à se repentir et à venir à la repentance. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit « Wa ikhlasihi lahu fit tawakkuli alayhi wa raja'ihi dun al makhluqin » Et ça, c'est-à-dire, il va également se purifier son adoration et purifier également sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de s'en remettre à son Créateur, hein, et ne pas mettre son espoir en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, « Yani masalih azima fil masa'ib lil mu'minin » Donc, parmi les bienfaits, il y a ces bienfaits-là. Et ça, c'est des grands bienfaits qui peuvent atteindre un croyant lorsqu'il est touché par un malheur quelconque. Et c'est des choses que la personne, en temps normal, elle ne va pas nécessairement être capable d'atteindre dans une situation ordinaire ou normale. Donc l'état du croyant, lorsqu'il est touché par un malheur, c'est quelque chose de très fort par rapport à qu'est-ce qui lui arrive en temps normal dans la conscientisation qu'il a de la réalité de son existence et du but de son existence et comment il doit s'en remettre à Allah et mettre sa confiance en lui et purifier son tawhid et se repentir et être plus reconnaissant des grâces que Allah lui a faites. Tout ça, c'est des choses qui arrivent aux croyants dans des moments de malheur. Donc, ça fait en sorte que le croyant, il va être reconnaissant encore plus envers son Créateur dans ces situations-là s'il est vraiment connaissant, s'il a vraiment une connaissance de son Créateur et s'il est vraiment fort dans sa foi, il atteint ce degré de shukr hein, dans des situations pareilles. Tandis que les kuffars, eux, c'est le contraire. Et c'est ça que Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique ici, il dit « وَأَمَّا أَهْلُ الْبَغِيِّ وَالضَّلَالِ فَتَجِدُهُمْ يَحْتَجُّونَ بِالْقَدَرِ إِذَا أَذْنَبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَيُضِيفُونَ الْحَسَنَةِ إِلَى أَنفُسِهِمْ إِذَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِهَا » Donc il dit « Tandis que les gens de la transgression et de l'égarement, tu vois que lorsqu'ils commettent des péchés, hein, et quand ils suivent leur passion, ils utilisent comme prétexte et comme justification hein, la prédestination. Ils disent « Ah, mais ça, c'est Allah qui l'a prédestiné pour moi. » Mais ils ne se repentent pas. Hein, ils ne se repentent pas de ce péché-là. Puis ensuite, quand ils font un bien quelconque ou quand ils ont une bonne action qu'ils font, eh bien, ils se l'attribuent à eux-mêmes hein, et ils considèrent que ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme grâce, eh bien, ils ne sont pas reconnaissants envers Allah pour ces grâces-là. Plutôt, ils se les attribuent à eux-mêmes en disant « C'est par moi-même que j'ai obtenu ces grâces-là. Hein? » Donc, ils renient hein, les grâces d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ces deux derniers points-là en disant « أهل الكفر والشرك على العكس من المؤمنين إذا أصابتهم مصيبة جزعوا وتسخطوا لأنهم لا يؤمنون أنها بقضاء الله وقدره » وإذا أصابتهم نعمة فسقوا وتكبروا وأشروا وبطروا وهذه طريقة أهل الكفر والشرك. C'est-à-dire que les gens de la mécréance et les gens du shirk, eh bien, c'est le contraire des croyants dans ces situations-là. Lorsqu'ils sont touchés par un malheur, eh bien, ils vont se plaindre et ils vont se mettre en colère contre le qadar et contre Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne croient pas que ces choses-là sont prédestinées, hein? Ou bien même s'ils croient que ce sont des choses prédestinées, eh bien ils vont être en colère contre Allah dans ces choses-là et ils ne vont pas se rendre humbles hein? Ou remercier Allah ou être satisfaits du qadar, hein? Mais plutôt ils vont blâmer Allah subhanahu wa ta'ala et lui faire des reproches et se mettre en colère contre lui et contre ce qu'il a prédestiné. Pour eux, parce qu'ils ne comprennent pas la sagesse divine et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné ces malheurs-là pour eux. Hein? Et donc, c'est comme par exemple, tu vois des kuffars, lorsque par exemple, Allah a prédestiné la mort d'un des êtres chers pour eux, hein? Que ce soit leur épouse ou leurs enfants ou leurs parents ou quelqu'un qu'ils aiment, hein? Ils commencent à se plaindre à Allah ou bien se insulter à Allah ou dire à Allah, mais pourquoi Allah tu les as pris, pourquoi Allah tu as pris leur âme, pourquoi tu les as fait mourir, hein? Parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne croient pas en la sagesse divine. Ils pensaient que cette vie d'ici-bas allait être une vie éternelle ou quoi, hein? Tout le monde doit goûter à la mort. Donc pourquoi lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de prendre leur âme, hein, tu réagis de cette manière et tu blâmes ton Créateur? Alors que s'il t'a donné la vie, sans te demander la permission et sans te demander quoi que ce soit, il a le droit de reprendre cette vie-là quand il veut et comme il veut. Hein? Donc, on n'a rien à objecter à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné hein, dans nos existences. Et après, le cheikh, il dit, hein, parce qu'en réalité, de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas d'injustice à personne. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Et peu importe qu'est-ce qui t'arrive, tu sais que tout ce qui arrive dans ton existence, c'est pour une bonne raison. Et c'est pour une sagesse immense. que tu le réalises ou que tu ne le réalises pas, que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Hein? Donc, les koufars, eux, malheureusement, ils ne comprennent pas ça. Parce qu'ils ne croient pas en la prédestination. Et tu vois que, comme aujourd'hui, j'étais en train d'écouter justement à la radio, il y avait un commentaire de la part d'une personne qui était victime quand il y a eu une attaque quelconque, et que lui, il a été parmi les gens qui ont été victimes dans cette attaque-là. Salam alaykoum. Et il a dit, cette personne, il a dit, mais je me disais, mais pourquoi moi j'ai survécu et les autres n'ont pas survécu? Pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai, pourquoi je mérite de vivre alors que les autres sont morts? Eh bien, tout ça, c'est par le qadar d'Allah et c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on n'a pas, le croyant, il ne va pas dire, par exemple, se sentir coupable du fait qu'il a survécu, ou bien être malheureux, ou bien insulter Allah, ou être critiquer Allah parce qu'il a fait en sorte que les autres périssent. Parce que tout ça, c'est par le qadar d'Allah. Hein? Tout ça a été prédestiné, hein, par Allah. Et il n'y a rien que tu aurais pu faire qui aurait changé quoi que ce soit de ce que Allah a prédestiné. Donc le croyant, il ne va pas commencer à dire, oh, mais si j'aurais fait ça, cela ne se serait pas produit de telle façon. Ou si j'avais agi de telle manière, eh bien, telle chose ne serait pas arrivée. Hein? Si j'étais pas, si j'avais tourné à gauche au lieu d'avoir tourné à droite, hein, ou si j'étais pas entré un peu plus tard, au lieu de rentrer plus tôt, telle chose ne serait pas arrivée. Tout ça, c'est des paroles inutiles et c'est des portes ouvertes pour le shaitan. Parce que si c'est arrivé, c'est parce que Allah l'avait écrit. Et c'est que Allah subhanahu l'avait écrit et prédestiné et voulu. Donc rien n'aurait pu se passer autrement. Et ça, le croyant, il en est conscient et il l'accepte. Et c'est pour cette raison-là qu'il est en paix dans son âme et dans son cœur, peu importe les circonstances. Tandis que le kafir, eh bien, il se torture l'âme, hein, avec ces situations-là. Et ils ne savent pas comment gérer ces situations-là parce qu'ils n'ont pas de foi. Hein. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, donc quand ils sont touchés par un malheur, c'est ça, c'est de cette façon qu'ils réagissent. Et lorsqu'ils sont touchés par une grâce ou un bien quelconque, eh bien, ils utilisent cette grâce-là pour désobéir encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils s'enflent d'orgueil et ils agissent de manière mauvaise avec cette grâce-là. Hein, ils l'utilisent pour le mal et ils sont orgueilleux et arrogants face à cette grâce par rapport aux autres. Et ça, c'est l'attitude des gens du kufr et les gens du shirk. Hein? Yani, subhanallah, comment tu peux penser que parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait une grâce, que tu es meilleur que les autres? Et t'enfler d'orgueil et mépriser ceux qui n'ont pas reçu cette grâce-là. Hein? Et c'est ce que tu regardes, par exemple, lorsque tu vois les kuffars, comment ils agissent, si Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de la richesse. Ou si Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une belle apparence, ou si Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une force physique, ou si Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une intelligence, ou des choses de ce genre, eh bien, eux, au lieu d'être humbles et modestes, et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'ils ont reçu de ces grâces-là, eh bien, non, au lieu de faire ça, ils vont se les attribuer à eux-mêmes en disant c'est par notre effort et par notre travail qu'on a eu ces choses-là, et ils vont dire par la suite on le mérite parce qu'on est bon, on est meilleur que les autres, donc les autres sont inférieurs à nous. Et par la suite aussi, qu'est-ce qu'ils disent en plus de ça parfois? C'est qu'ils vont utiliser ces choses-là pour mépriser les autres et s'enorgueillir, hein, s'enorgueillir par rapport à eux, et s'élever au-dessus d'eux, et mépriser les autres, et les rabaisser, et être injuste envers eux. Donc tout ça, c'est des attitudes qui sont en opposition avec la foi, hein, et tandis que le mu'min, lui, plus qu'il a des grâces de la part d'Allah, plus il est reconnaissant, plus il est modeste, plus il est humble, parce qu'il réalise que tout ça, c'est uniquement parce que Allah lui a donné qu'il les possède et qu'il les a. Hein, si Allah ne lui avait pas donné cette grâce, il n'aurait pas eu cette grâce. Hein? Donc, il est reconnaissant et modeste. Après, le cheikh, il dit, « Wa idha an'ama alayhim bil hasanat, la yaquluna hadhihi min Allah, بل يقولون هذه بسبب فعلنا وكسبنا وكدنا ومعرفتنا وحذقتنا، كما قال قارون لما نصح قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا المال ليس من الله وإنما هو بكدي وكسبي، فيضيف هذا إلى نفسه، يضيف هذا إلى نفسه ويجحد فضل الله عليه. Donc le cheikh il dit lorsque une grâce lui arrive parmi des bonnes choses qui l'atteignent, au lieu de dire « Ah, cette grâce, elle vient d'Allah », non, eux, ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas « Cette grâce, elle vient d'Allah ». Ils disent « Cette grâce, c'est à cause de mes actions que je la possède. C'est parce que c'est à cause de ce que j'ai acquis. Hein? C'est à cause de mon intelligence, à cause de ma connaissance, à cause de ma force. Hein? J'ai obtenu ces choses-là. À cause de mon expérience, de mon expertise, de ma maîtrise. » Hein, parce que je suis fort dans ces choses-là. Je suis fort dans le commerce. Hein? Donc, j'arrive à connaître les bonnes affaires et à savoir quand je dois investir et quand je dois profiter. Et là, à ce moment-là, je m'enrichis de cette manière-là parce que je suis intelligent. Hein? Tandis que les autres qui sont pauvres, hein, eh bien, eux, c'est parce qu'ils ne sont pas intelligents. Donc, ils sont stupides ou ils sont bêtes. Ils ne sont pas aussi intelligents que moi. Hein, c'est pour cette raison-là que eux, ils n'ont pas reçu ces choses-là. Alors que, en réalité, tout ce qu'il possède, ça lui vient d'Allah. Et c'est uniquement par la grâce d'Allah qu'il le possède. Donc, eux, ils renient la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, c'est le malheur de ces gens-là. Ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas qu'à la fin, hein, au jour de la résurrection, cela sera contre eux. Cela sera contre eux. Et ils vont le regretter. Hein? الله المستعان. أبخل الشيخ الذي وكما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب أي مذهب وافق هواك تمذبت به. Donc il dit le cheikh, comme certains ulama ont dit à propos de justement certains d'entre ces gens-là qui suivent leur passion. Lorsque il s'agit de l'obéissance, tu es qadari, et lorsque tu commets un péché, tu es jabri. Hein? Et donc, ça veut dire que peu importe quelle voie ou quelle position est en accord avec ta passion, eh bien, tu prends cette position-là, tu prends cette voie-là. En voulant dire que tu changes de position selon ta passion. Tu n'es pas fidèle à quoi que ce soit. La seule réalité que tu suis, c'est ta passion en réalité. Et le cheikh, il explique cette citation-là, cheikh Al-Fawzan, de la part des ulama que Ibn Taymiyyah a mentionné ici. Il dit, « Taqul, in kana Allahu muqaddiran li an usalliya wa anni atasaddaq, fa ana fa'altu hadha. » وإن كان لم يقدر يقدره يقدر الله لي فلن يحصل مني شيء وهذا كثيرا ما يقوله بعض الجهال. Il dit le cheikh qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette attitude là. Hein? Il y a des gens qui disent par exemple si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné que je vais prier ou que je fasse la sadaqa, eh bien je vais le faire. Mais si Allah n'a pas prédestiné que je vais le faire, alors dans ce cas-là je vais pas le faire. Et ça, tu l'entends de beaucoup d'entre les ignorants. Hein? Par exemple, moi, j'ai déjà entendu des gens à qui j'ai parlé parfois. Je me rappelle des exemples de ça. Lorsque j'ai parlé avec, par exemple, supposons quelqu'un qui ne fait pas la salat. Et je lui dis, par exemple, mon frère, il faut faire la salat. Ça, c'est obligatoire. Il ne faut pas laisser la salat. Et il me dit, quand Allah va vouloir, je vais faire la prière. Comment ça tu dis, quand Allah va vouloir? Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, il y a l'ordre de faire les 5 prières. Donc ça fait partie de sa volonté. Hein? Parce qu'il l'a révélé, il l'a ordonné dans le Coran. Ça fait partie de sa volonté. Ça veut dire qu'il veut que tu fasses la salat. Parce qu'il l'a ordonné dans le Coran. Et il a révélé également la sunna à son messager. Et dans la sunna, il y a aussi l'ordre de faire les prières 5 fois par jour. Donc Allah, il veut que tu fasses la prière. puisqu'il l'a ordonné, il l'a révélé dans le Coran, et il l'a enseigné à son messager, et son messager l'a ordonné aussi. Donc ça, c'est la preuve qu'il veut que tu fasses la salat. Donc comment tu demandes, ou bien comment tu utilises le qadar comme justification? Comme si en voulant dire, si tu vois que en ce moment, si tu me vois que je ne fais pas la salat, ça veut dire qu'Allah, il ne voulait pas que je la fasse. Alors qu'on sait très bien que Allah, il veut que tu fasses la salat, puisqu'il l'a ordonné dans le Coran. Hein? Est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, faites la salat, sauf toi, hein, aujourd'hui, tu ne fais pas la salat parce que je ne veux pas que tu la fasses aujourd'hui. Est-ce qu'Allah, il a dit dans le Coran qu'il ne voulait pas que tu la fasses aujourd'hui, la salat? Il n'a pas dit ça. Hein? Il n'a jamais dit ça. Mais ces gens-là, en réalité, ils mélangent entre la volonté d'Allah dans qu'est-ce qu'il a ordonné dans sa charia, dans sa révélation, et qu'est-ce qu'il ordonne dans le qadar et dans la prédestination. Et nous, qu'est-ce qu'on est ordonné de suivre? C'est de suivre qu'est-ce qu'il a légiféré et ordonné dans la charia. Tandis que qu'est-ce qu'il a prédestiné dans le qadar? Eh bien, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Par exemple, c'est possible que quelqu'un, par exemple, il dise, moi, je veux faire la salat aujourd'hui. OK? Puis, il sort pour aller à la mosquée. Puis, en chemin, il se fait frapper par une voiture. Hein? Puis, il se ramasse à l'hôpital sans connaissance. Donc, est-ce qu'il a fait la salat? Non, il n'a pas fait la salat. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il lui avait ordonné de faire la salat? Oui, il lui avait ordonné de faire la salat comme il l'a ordonné à tous les croyants d'établir la salat. Sauf qu'il n'a pas voulu que cette salat soit établie pour lui parce que, hein, pour une sagesse quelconque, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il allait être frappé par cet accident-là ou par ce malheur-là. Hein? Et il y a une sagesse que Allah seul connaît derrière ça. Hein? Sauf que c'est pour dire que des fois tu veux faire quelque chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas prédestiné pour toi, alors ça ne se produit pas, même si tu le veux. Et il n'y a pas de doute que cette personne, par son intention, du fait qu'elle voulait aller faire la salat et qu'elle avait l'intention d'aller faire la salat, mais que c'est quelque chose qui a été empêché parce qu'il a eu un accident, eh bien, malgré qu'elle ne l'a pas fait, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire quand même la récompense de cette salat parce qu'il avait eu l'intention, il a fait les causes pour aller la faire. Donc, c'est pour dire que dans des cas comme ça, tu peux dire, hein, Allah, il n'a pas voulu que tu fasses la salat. Dans ce cas-là, puisque c'est clair, il a prédestiné que quelque chose se produise qui t'empêche de la faire. Mais dans un cas normal où tu as toute ta volonté, tu as toute ta capacité, il n'y a aucun empêchement, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun problème, et toi, tu as le choix, hein, et la liberté de la faire, hein, ou de ne pas la faire, puis tu utilises le qadar en disant « mais Allah, il n'a pas voulu », ça c'est un mensonge. Parce que tu sais très bien qu'Allah, il a voulu que tu la fasses. Mais tu suis ta passion et tu obéis au shaitan et tu refuses de te soumettre et d'appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que, hein, c'est comme les gens qui ils sont dans ces cas-là. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ces cas-là, ils utilisent les arguments des Jabriya comme les gens de Bid'a. Hein, quand ils font un péché, ils disent c'est le qadar, c'est le qadar. Et donc ça c'est beaucoup. Ou bien une femme elle porte pas le hijab, elle dit mais quand Allah il va vouloir je vais porter le hijab. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné dans le Coran le hijab. Dans plusieurs versets il a révélé l'ordre aux femmes de se couvrir. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths aussi la même chose. Donc l'obligation elle est là et l'ordre elle a été révélé. Donc tu ne peux pas prétendre ou dire que c'est quelque chose Allah il n'a pas voulu. Comment ça Allah il n'a pas voulu? Allah il l'a voulu puisqu'il l'a révélé et il l'a ordonné. Hein? Donc ça c'est des prétextes que les gens ils utilisent pour essayer de faire croire que y a quelque chose qui est hors de leur contrôle dans ces choses-là. C'est pas vrai. Hein? Il n'y a rien qui est hors de ton contrôle. Tu prends le vêtement, tu le mets sur ta tête. Hein? Tu le mets sur ton corps. Tu t'habilles avec, c'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Tu veux faire la salat, tu fais ton woudou et tu fais ta prière. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Hein? Mais si tu es paresseux, si tu te laisses aller, tu attends, tu dis, ah, j'ai le temps. Tu vois l'heure, tu dis, ah, il me reste encore 2 heures pour faire la salat. J'ai le temps. Alors là, il y a une demi-heure qui passe, 1 heure qui passe, hein? Et là, tu dis, ben, il me reste encore 1 heure, hein? Je vais aller la faire après. Finalement, le temps, il passe, le temps, il passe, et après, il te reste 20 minutes. Ah non, il me reste juste 20 minutes. Là, tu cours après pour aller faire ta prière, faire ton wudu. Eh bien, ça, c'est comme ça. Le shaitan, il fait avec les gens. Hein? Il leur fait attendre. Hein? Il les fait passer le temps jusqu'à ce que yani, la prière sorte de complètement de son temps. Et puis, après, finalement, il manque la salat. Donc, ça, c'est très dangereux, c'est très grave. Et il ne faut pas écouter au shaitan dans ces affaires-là. Après, le cheikh, il explique par rapport à ça aussi. Il dit, wa inda al-ma'siyati, ma talumu nafsaka wa tatub, bal taqulu la, ana mujbarun alayha, hein? Laysa li hilatun fiha, wa yu'ti nafsahu al-udhur, li'annahu majburun bizamihi, inda al-ta'ati qadariyun, ala madhhab al-mu'tazila, wa inda al-ma'siyati jabriyun, ala madhhab al-jabriyya. Hein? Donc le cheikh il dit, hein, y a des gens comme ça, quand ils font un péché, ils ne se blâment pas eux-mêmes, ils ne vont pas même se repentir. Ils disent, ah ça, c'était quelque chose qui m'a été forcé, je n'ai pas eu le choix. Hein? Et il se donne des excuses pour justifier son péché, hein, et pour ne pas se repentir, c'est ça qui est plus grave. Et quand il fait des obligations, il dit, ah, mais ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas prédestination, ça, c'est, hein, ça, c'est Allah. C'est pas Allah qui a prédestiné, c'est moi qui a voulu le faire. Je l'ai fait parce que j'ai voulu. Hein. Si je voulais pas, je le fais pas, des choses comme ça. Donc, quand il fait des obligations et des obéissances, il est mu'tazili, il est qadari. Et quand il fait des péchés, il est jabri. Hein, il utilise le qadar comme excuse. Et après, le cheikh, il explique, il dit, il suit sa passion en réalité. Il dit, هذه مصيبة يعني الذين يختارون في المذاهب الأقوال الآن حتى في غير العقيدة الذين يختارون الفتاوى التي تصلح لهم أو تصلح لهم والأقوال التي تصلح لهم ولو ما عليها دليل ولو هي خطأ وأما التي لا تصلح لهم ولو عليها دليل وبرهان لا يقبلونها لأنهم يتبعون أهواءهم. Donc le cheikh il dit que ça c'est un malheur de la part de ces gens-là parce qu'en réalité ils ne suivent pas une voie qui est claire, ils ne suivent pas une preuve hein, de la religion, non. C'est quand ils voient que leur passion va dans une direction, ils trouvent une position qui supporte leur passion et ils prennent cette position-là sans savoir la preuve et sans savoir si c'est vrai ou faux. Ils ne tiennent pas compte de la vérité. La seule chose qui compte pour eux, c'est leur passion et c'est ça pour eux le critère et la référence. Hein? Et ça, c'est dangereux et c'est très grave. Et le cheikh, il dit ça, c'est un malheur à notre époque aujourd'hui. Beaucoup de gens, quand ils ont des questions, que, pas seulement dans l'aqida, même dans le fiqh, ou même dans des questions d'adoration ou autres, ils vont prendre diverses fatwas, et puis ils vont prendre parmi les différentes fatwas, celle qui est en accord avec leur passion, et ils ne vont même pas regarder à savoir est-ce que cette fatwa est supportée par le dalil ou non. Ce n'est pas important pour eux le dalil. La preuve, ce n'est pas important pour eux. Même s'ils savent que cette position, elle est incorrecte, même s'ils savent que cette position-là, elle est erronée, ce n'est pas grave. L'important, ah, il y a eu cette position, ah, je la prends. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Il y a ça, c'est comme par exemple, comme le frère Abdul Wahab, il dit, si quand, par exemple, tu veux chercher une réponse et tu trouves pas, par exemple, la réponse que tu veux, eh bien, il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils font, c'est ça. Ils veulent une réponse. Et donc, ils vont appeler un cheikh pour poser la question. Et ils ne vont pas trouver la réponse qu'ils veulent entendre à ce moment-là. Donc, ils vont appeler un autre cheikh pour avoir une autre fatwa. Et l'autre cheikh, il va leur donner une autre réponse. Ils ne veulent pas entendre cette réponse-là. Ils vont appeler un autre encore. Et ils vont continuer à appeler les différents imams, les différents shuyukh, jusqu'à ce qu'ils tombent sur quelqu'un qui va leur dire: oui, non, ça c'est correct, tu peux le faire, c'est correct. Alors à ce moment-là, ils vont le prendre et ils vont le suivre, même si c'est contraire à la vérité. Et même si celui qui lui avait donné la réponse en premier se basait sur la preuve. Ils ne suivent pas la preuve, ils suivent leur passion. Et ça, c'est très grave. Mais, hein, comme on dit, va expliquer ça à ces gens-là aujourd'hui. La plupart d'entre eux, comme Allah dit dans le Coran, Inhum illa kal-an'am, balhum adallu sabila. Sont comme des bêtes, hein, comme des animaux, même plus égarés encore. Hein? Oulaika kal-an'ami balhum adal. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Est-ce que tu as vu celui qui a pris sa divinité, sa passion pour une divinité? Afanta takunu alayhi wakila. Est-ce que tu vas être un garant pour lui? Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun. Est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux, ils pensent, hein, ils écoutent ou ils réfléchissent? Inhum illa kal-an'am, balhum adallu sabila. Ils ne sont que comme des bêtes, des animaux, même plus égarés encore. Donc ça, c'est la réalité, nasallallahu alayhi wa sallam, de la plupart de ces gens-là. Hein? Tu vois des gens, par exemple, tu passes des années, tu leur expliques. Les manifestations, c'est haram. Les ulama, ils ont interdit ça. Et c'est contraire au Coran, et contraire à la sunna, contraire à la parole des salafs. Encore, encore et encore, tu leur dis ça à chaque fois. Et aujourd'hui encore, ils partent dans la rue, ils vont manifester. Hein? Et là, dernièrement, il y avait cette manifestation qu'ils ont fait là, pour soi-disant contre qu'est-ce qu'ils appellent l'islamophobie. Et tu vois des musulmans qui marchent dans la rue. Et des hommes et des femmes mélangés, et ils crient des slogans, ils chantent des je sais pas comment appeler ça. Non, c'est pas des idioties là qu'ils radotent. Allah al-musta'an. Et même il y en a une dans ces vidéos-là, ils sont en train de chanter la laïcité là-dedans. Hein? Des musulmans, ils chantent, ouais, on aime la laïcité, on aime ça, pour que la laïcité nous protège. Que la laïcité te protège. Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui te protège, c'est la laïcité qui te protège. A'udhu billah. Quoi, le kufr qui te protège, c'est le kufr qui te protège. Non, mais comment quelqu'un qui est musulman, qui a compris la ilaha illallah, comment il peut dire une parole comme ça? Ça, c'est la preuve de l'inconscience et de l'ignorance de beaucoup de gens. Mais il faut pas s'étonner quand tu vois ces gens-là, lorsque tu regardes de qui ils apprennent leur religion, ah ben après tu t'étonnes pas. Hein? Des gens, par exemple, comme ceux qui sont sur YouTube là actuellement là, et qui font des vidéos pour montrer leur face, hein, sur Internet, parce que c'est devenu la mode. Hein? Tout le monde veut devenir des youtubeurs. Hein? Donc ils font des fatwas batila et ils n'ont même pas peur de dire le batil. Et pire encore, ils se vantent de ce qui est honteux et ils ont honte de ce qui est une fierté. Hein? Tu vois un parmi eux qui dit oh, mais il m'accuse d'être un salafi, et moi j'ai rien à voir avec ça. Hein? Moi, je ne suis pas salafi, hein? Moi, je suis mubtadi', hein? Il est fier d'être mubtadi', il a honte d'être salafi. Alors que la fierté, c'est d'être salafi, de suivre la voie des salaf. Tu suis la voie et l'aqida et la méthodologie des sahaba. Tu as honte de ça et tu es fier d'être sur la voie des khalaf et des mubtadi'a et des gens de hizbiya et de dalal. Et ça, tu es fier de ça, tu t'en vantes. Sallallahu ben, c'est ça. Non, mais c'est exactement. C'est quelqu'un comme ça. On dirait ils ont oublié que leur maître et leur créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas les kuffars, c'est pas la République, c'est pas la France. Hein? Et les pays sont, les pays, c'est des choses qui changent. Ce n'est pas des choses qui sont stables. Si tu regardes, par exemple, 500 ans en arrière, la France, ce n'était pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Si tu recules 1000 ans en arrière, ce n'était pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. La terre, ça reste la terre. Mais les hommes qui sont dessus, ils changent. Et à un moment, ils ont une croyance et à un autre moment, ils en ont une autre. Et qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui comme croyance? Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va rester pour toujours. Et comme ce n'était pas là depuis longtemps, hein, avant, tu recules dans le passé, ils n'avaient pas la croyance qu'ils ont aujourd'hui. Les êtres humains, ils changent. Mais la terre, c'est la terre. La terre, c'est la terre d'Allah. La terre, elle appartient à Allah, elle n'appartient pas aux créatures. Mais les hommes, ils oublient. Les hommes, ils oublient cette réalité-là. Hein? Donc, Allah al-Musta'an, yani, il faut que les musulmans réalisent la réalité de qu'est-ce que signifie la ilaha illallah et qu'est-ce que ça implique pour eux en tant que croyants, comment ils doivent vivre leur religion et leur islam et ne pas laisser les koufas les intimider ou leur faire peur dans leur religion. Hein? Parce qu'ils se laissent marcher sur les pieds. Ils se laissent marcher non pas sur les pieds, même sur le corps au complet. Hein? C'est ça qui arrive, la réalité. Et ils sont obligés de sortir dans la rue, faire des manifestations pour des trucs bêtes comme ça. Donc, c'est s'ils faisaient leur devoir de da'wa et de commencer par eux-mêmes d'appliquer l'islam, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Mais le problème, c'est parce c'est qu'ils ne pratiquent pas. Qu'est-ce qu'ils doivent appliquer, ils ne l'appliquent pas. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Puis après, ils se plaignent. Le cheikh, il dit ensuite. وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا أنعم الله عليهم بها وأنه هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى وأنه لا حول ولا قوة إلا به فنزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه استغفروا الله وتابوا إليه منها. Donc le cheikh il dit, les gens de la guidance et de l'orient et de la droiture, lorsqu'ils font une bonne action, ils sont témoins de la grâce d'Allah sur eux par cette bonne action là, et ils sont témoins également que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a fait la grâce de leur permettre cette bonne action. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait d'eux des musulmans et qui a fait qu'ils puissent établir la salat et qui leur a inspiré à taqwa, hein, le fait de de se préserver et de se protéger d'Allah et de son châtiment. C'est Allah qui leur a inspiré ça. Et que rien ne peut arriver, il n'y a pas de mouvement ni de changement, excepté par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Excepté par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il reste toujours, par rapport à ça, témoin de ce que Allah a prédestiné et ce qui fait que ils sont débarrassés de l'éblouissement de leurs propres œuvres. Hein, ils ne vont pas être éblouis par leurs propres actions en disant: oh, comme je suis pieux, comme je suis bon, comme je suis beau, hein, comme je suis parfait, comme je suis bien, comme je dis des bonnes choses, comme je fais des bonnes œuvres, je suis pieux, hein, a'oudhou billah. Al-man, ils vont être également débarrassés de al-man, c'est-à-dire de toujours renoter les bonnes œuvres qu'ils font, hein, et de les mentionner aux autres quand ils font du bien, hein, comme ils donnent à quelqu'un 10 dollars. Je t'ai donné 10 dollars, hein? Je t'ai fait des bonnes œuvres, je t'ai beaucoup aidé dans ta vie, hein? Alors, pourquoi tu renotes toujours le bien que tu fais? Est-ce que tu ne l'as pas fait pour Allah? Si tu l'as fait pour Allah, alors pourquoi tu as besoin de toujours embêter la personne, de lui faire sentir redevable à toi par rapport à ce que tu as fait? Tu me dois une faveur, tu me dois ça, je t'ai aidé, je t'ai donné, hein? Donc toi aussi, tu dois m'aider, tu dois me donner. Ça veut dire, tu l'as fait pour recevoir en retour, pas pour Allah. Et al-adha, c'est ça, de faire du tort à quelqu'un juste pour l'embêter par rapport à qu'est-ce que tu fais. Quand tu es témoin que tout ce que tu as fait de bien, c'est uniquement par la grâce d'Allah, alors tu ne vas pas avoir cet orgueil-là ou cette sensation-là. Hein? Tu dis, si je me suis levé aujourd'hui et j'ai fait Salatul Fajr à la mosquée, malgré qu'il y avait la tempête de neige et qu'il y avait beaucoup de froid et du vent, hein, c'est uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu m'honorer et me faire la grâce de cette ibada. J'ai fait les causes, j'ai fait les efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il va me récompenser pour ça. Mais c'est par sa grâce que j'ai pu le faire. Donc, je dois être reconnaissant envers lui de m'avoir permis d'être parmi ceux qui étaient dans les rangs, hein, de la prière, dans cette adoration-là. Parce que si j'ai été capable de l'adorer, c'est parce que c'est lui qui m'a donné la force et qui m'a donné la capacité et qui m'a donné la foi et qui m'a donné la piété. Hein. Donc, je suis redevable de tout, hein, par rapport à lui et par rapport à tout le bien que je fais. C'est pas de moi-même seulement que j'arrive à le faire, mais c'est uniquement par son l'honneur qu'il me fait et par la générosité qu'il me fait et par la guidance qu'il m'a donnée. Et quand tu commets un péché, eh bien tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir commis ce péché-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, quand tu vas comprendre ça, tu ne vas pas être fier dans le sens que tu ne vas pas dénigrer les autres ou mépriser les autres. Hein? Au contraire, tu vas être humble et modeste et tu reconnais que Allah, il t'a fait une grâce. Tu vas être reconnaissant envers Allah. Comme le cheikh dit, Shakarullah alayha wa atarafu bi fadlillahi alayhim. Ils vont être reconnaissants envers Allah et ils vont reconnaître la grâce que Allah leur a faite. ولا يعجبون بعباداتهم وطاعتهم لأنهم يعرفون أن الفضل من الله وهو الذي وفقهم لها هو الذي تفضل عليهم بذلك فيشكرون الله على الطاعة ويستغفرون الله عند المعصية وهم يشكرون عند النعم والطاعة من أعظم النعم والطاعة من أعظم النعم وأكبرها. Donc ils vont pas être éblouis par leurs adorations et leurs obéissances. Hein? Ils savent que c'est par la grâce d'Allah qu'ils font ça et que Allah leur a donné le succès de pouvoir le faire et que c'est une grâce pour eux de sa part et ils ont donc de la reconnaissance envers Allah par rapport à l'obéissance qu'ils ont fait. Ils demandent à Allah pardon lorsqu'ils commettent un péché et ils sont reconnaissants lorsqu'ils ont une grâce. Et parmi les grâces d'Allah, l'obéissance est une des plus grandes grâces. Il n'y a pas une grâce plus grande que celle-là. Et par exemple, la grâce d'avoir accepté l'islam. Il y a des gens qui disent, moi j'ai accepté l'islam, c'est par rapport à mon intelligence. Parce que je suis très très intelligent et donc j'arrive à trouver les preuves et les explications et je comprends vite. Donc j'arrive à trouver la vérité et donc si je me suis converti à l'islam, c'est parce que je suis très intelligent et c'est pour ça que je suis musulman. A'oudhou billah. Donc ça, c'est très grave de penser comme ça. Parce que cette intelligence que tu as, c'est uniquement Allah qui te l'a donnée. Et si yani, tu penses que c'est uniquement à cause de ton intelligence, sache qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi et eux n'ont pas été guidés par Allah. Alors, si tu penses que c'était juste une question d'intelligence et que ce n'était pas une grâce que Allah t'a faite, alors dans ce cas-là, tu as renié la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le malheur aussi, comme je disais l'autre jour, par rapport à certains qui pensent que chaque chose qu'il y a dans la religion, il faut que ce soit établi par une preuve scientifique, puis qu'il faut qu'il y ait un argument rationnel ou une preuve rationnelle et scientifique pour chaque élément et chaque petit détail de la foi. Et ils sont presque dans la situation où ils disent, si quelque chose n'est pas prouvable scientifiquement, alors je ne l'accepte pas dans la religion. Et ça, c'est grave. Hein? Parce que ça veut dire que ils ne croient pas en l'invisible. Et ils n'ont pas de foi réelle. Hein? Ils ne croient que en qu'est-ce qui est mathématique ou scientifique. Et ça, c'est clair que ces gens-là n'ont pas compris la réalité de la foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé dans le Coran les preuves et la vérité et les explications au sujet de la foi, au sujet de la religion, si quelqu'un veut être bien guidé. Et si quelqu'un, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, si quelqu'un n'a pas la foi en la révélation d'Allah, il ne peut pas être guidé, même s'il est intelligent, ou même s'il connaît toutes les trucs scientifiques qui existent sur Terre. Hein? Il y a des grands scientifiques qui ont vécu. C'était des génies, comme on dit. Hein? Ils disent que c'est des génies, ces gens-là. Et ils ont reçu des, comment on appelle? Des prix Nobel. Ils ont reçu des prix Nobel. Pourtant, ils ne croient pas en Allah. Ils ne croient pas en Allah. Ils n'ont jamais mis leur front par terre devant leur Créateur et ils ne se sont jamais abstenus de faire un péché ou de commettre un péché par foi hein, en la révélation d'Allah. Donc, à quoi leur sert leur intelligence, ces gens-là, s'ils ne peuvent même pas utiliser cette intelligence-là pour se soumettre à leur Créateur? Et peut-être même que parmi ces gens-là, il y en a qui sont des gens qui croient en Allah, hein, mais qui sont des mouchriquins. Tu vois en Inde, tu vas voir plein de gens, ils ont des docteurs, des doctorats, c'est des médecins, c'est des scientifiques. Et quand ils ont quelque chose, ils demandent à leurs idoles, ils se prosternent devant leurs idoles, et ils sont des scientifiques. Hein. Tu vois des chrétiens catholiques qui vont à l'église, se mettent à genoux devant une croix, devant Jésus, devant Marie, hein, ou devant des statues de Jésus, devant des statues de Marie. Et pourtant, ce sont des scientifiques. Ce sont des gens qui ont des doctorats en médecine ou en chimie ou en physique. Et quand ils ont un problème, ils se tournent vers la croix, ils se tournent vers Marie, vers des saints, au lieu de demander à Allah, le Créateur. Le fait d'avoir la connaissance et de connaître des trucs scientifiques, ça ne guide pas quelqu'un s'il est égaré. Et en même temps, ça montre pas non plus nécessairement à quelqu'un où est-ce qu'il est le bien, où est-ce qu'il est le mal. Tu vois, de ces gens-là qui sont médecins, par exemple, ils disent à leurs patients, il faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé. Sauf que eux, ils fument. Hein? Pourquoi ils fument s'ils savent que c'est pas bon pour la santé? Parce qu'ils suivent leur passion. Donc, c'est pas suffisant juste d'avoir la connaissance et d'avoir des connaissances scientifiques, mais il faut aussi avoir la guidance pour être capable de savoir où est-ce qu'il est le bien et d'avoir la foi pour être capable de le suivre hein, et de se préserver. Et aussi peut-être qu'ils vont faire du bien, mais pas parce qu'ils croient que s'ils ne le font pas, ils vont être châtiés. Et s'ils le font, ils vont être récompensés par Allah. Ils disent, nous, on ne fait pas le bien parce qu'on attend une récompense au paradis. Et on fait pas on s'abstient pas de faire le mal parce que on a peur d'un châtiment dans l'au-delà. Nous, on fait le bien juste pour faire le bien. Ou on s'abstient de faire le mal juste parce qu'on veut s'abstenir de faire le mal. Ouais, ou bien sa conscience, comme tu dis. Mais ça n'est pas considéré comme une bonne action dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'ils font n'a aucune valeur. Puisqu'au jour de la résurrection, ils ne vont pas être récompensés pour ça. Et donc, ils vont regretter qu'est-ce qu'ils ont pensé, hein, d'avoir eu cette attitude ou cette façon de penser-là. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, lorsqu'ils commettent un péché, les croyants, ils se repentent à Allah, ils demandent pardon. Les kuffars, ils font des péchés, ils se repentent pas à Allah. Ils demandent pas pardon à Allah. Au contraire, ils sont trop orgueilleux pour reconnaître le tort qu'ils ont fait et encore plus de demander que Allah leur pardonne. Hein? Non, ils veulent jamais demander pardon parce que de demander pardon, ça serait de reconnaître que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est mal. Et eux, ils veulent pas reconnaître qu'ils font du mal parce qu'ils pensent que c'est eux qui déterminent qu'est-ce qui est bien et mal. Donc, s'ils font qu'est-ce qu'ils veulent, c'est selon leur passion. Et donc, même si les gens considèrent que c'est mal, pour eux, c'est pas mal parce que ils font qu'est-ce qui est bien pour eux. Hein? Il y a des gens, c'est ça, leur morale, c'est ça. si ça m'amène du bien, c'est bien, même si ça fait du mal aux autres, ça leur dérange pas. Hein? Et le cheikh il dit "Ni'am yansibunaha ila Allah, amma adh-dhunub fa innahum yansibunaha ila anfusihim fa yatubuna ila Allah wa yastaghfirun." Donc les croyants, ils reconnaissent que le bien il vient d'Allah, tandis que les péchés, ils les attribuent à eux-mêmes. Ils disent, ça c'est mes péchés, c'est mes actions. Et ils demandent pardon à Allah pour leurs péchés. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, « Fafi sahih al-Bukhari, an Shaddad ibn Aws, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sayyidu l'istighfar, an yakul al-abd, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'd. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne ensuite un hadith qui est rapporté par Shaddad, selon Shaddad ibn Aws, par l'imam al-Bukhari. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le maître de l'istighfar, c'est-à-dire de la meilleure forme de demande de pardon que le serviteur peut dire, c'est de dire, « Oh Allah, tu es mon Seigneur, rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur, ton esclave. Et je suis sur l'entente que j'ai avec toi et sur ta promesse, autant que j'en suis capable, hein, selon ma capacité. Je cherche refuge en toi contre le mal de ce que je fais, hein, le mal de mes actes, les mauvaises conséquences de mes actions et le mal que j'ai fait. Je reconnais à toi la grâce que tu m'as faite et je reconnais à toi mon péché, alors pardonne-moi. Car personne ne pardonne les péchés excepté toi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, « Quiconque dit cette parole lorsqu'il se lève en ayant conviction, hein, de cette parole et qu'il meurt dans cette nuit-là ou pendant cette période-là, eh bien, il va rentrer au paradis. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné de dire ça le matin et le soir. Donc, si tu le dis le soir, que tu meurs pendant cette nuit-là, tu seras pardonné. Et si tu le dis le matin, puis tu meurs pendant cette journée-là, tu seras pardonné aussi. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Hada al-hadith azim, hein? Hada al-hadith hadithun azimun, wa huwa sayyidu l'istighfar, wa fihi al-iqraru lillahi bil-rububiyyah, wa annahu al-khaliq, wa annahu al-mun'im, abu'u laka, بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنسب النعمة إلى الله ونسب الذنب إلى نفسه واستغفر الله واستغفر الله سبحانه وتعالى. Donc on voit dans ce grand hadith qui est le maître des demandes de pardon, dedans il y a la déclaration que Allah est le Seigneur, le seul Seigneur, le seul Créateur et celui qui donne la grâce. Et tu reconnais dans ce doua que la grâce, elle vient d'Allah. Hein? Et tu reconnais que le péché, ça vient de toi-même. Et tu demandes pardon pour ce péché-là. Parce que personne ne pardonne les péchés excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu reconnais que la grâce vient d'Allah et le péché, il vient de toi-même et tu demandes pardon à Allah. Ça confirme qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a été en train d'expliquer plus tôt. Ensuite, il mentionne le hadith qui est un long hadith. Le hadith de Abi Dhar, radiyallahu anhu. Les ulama, ils ont dit certains des rapporteurs, lorsqu'ils rapportaient ce hadith-là, ils se prosternaient. À cause de tellement le hadith, il est fort, il est grand. Il dit, وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أدقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما ينقص البحر إذا غمص فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Donc ici le cheikh il cite le hadith au complet. Puis après donc le hadith, bon je vais lire l'explication. Ou bien je vais juste traduire le hadith, après ça on va lire l'explication. C'est un hadith rapporté par, selon Abi Dhar par l'imam muslim. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte les paroles de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Oh mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Oh mon serviteur, ou oh mon esclave, je me suis interdit à moi-même l'injustice, et je l'interdis entre vous. Hein, je l'ai rendue interdite entre vous, alors ne faites pas d'injustice les uns aux autres. Ô mon esclave, ou ô mes esclaves, vous faites des péchés jour et nuit, et moi je pardonne tous les péchés. Hein? Alors demandez-moi pardon et je vais vous pardonner. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, excepté celui que j'ai nourri. Alors demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mes esclaves, vous êtes tous nus, excepté celui que j'ai vêtu. Alors demandez-moi de vous vêtir et je vais vous vêtir. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, excepté celui que j'ai guidé. Alors demandez-moi la guidance et je vais vous guider. Ô mes serviteurs, vous ne pourrez jamais atteindre quoi que ce soit pour me faire du tort. Et vous ne pourrez jamais atteindre de faire quoi que ce soit pour me faire un bien ou me profiter en quoi que ce soit. Alors, ensuite il dit, « Oh mon serviteur, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, l'humain d'entre vous et le djinn d'entre vous, et avait le cœur le plus pieux, du plus pieux des hommes parmi vous, eh bien cela n'aurait rien augmenté dans mon royaume en quoi que ce soit. Oh mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, l'humain d'entre vous et le djinn d'entre vous avaient le cœur le plus pervers, des cœurs des plus pervers de l'homme le plus pervers parmi vous, eh bien cela n'aurait rien diminué dans mon royaume. Ô mon serviteur, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, l'humain d'entre vous et le djinn d'entre vous, étaient réunis dans un seul lieu et me demandaient chacun d'entre eux ce qu'il veut, et que je lui donnais à chacun ce qu'il a demandé, eh bien cela n'aurait même pas fait diminuer de mon royaume ce que l'aiguille qu'on trempe dans l'océan peut faire diminuer de la quantité de l'eau qui sort de cette aiguille-là lorsqu'elle est trempée dans l'océan. Ô mon serviteur, ce ne sont que vos œuvres que je récolte pour vous. Et je vais vous rendre ces œuvres-là telles que vous les avez faites. Alors que celui qui trouve du bien glorifie Allah, tandis que celui qui trouve autre que le bien, qu'il ne blâme que lui-même. Et le cheikh il dit ensuite, « Hadha al-hadith, hadithu Abi Dhar, رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا مما يسمى بالحديث القدسي فرقا بينه وبين الحديث النبوي. فالحديث القدسي ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى، والحديث النبوي ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية كثيرة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك، وقد صنفت فيها مصنفات، وهذا الحديث من أشهرها لأنه تضمن أشياء كثيرة. أول ما تضمن تنزيه الله عز وجل عن الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله عز وجل منزه عن أن يضع العذاب في غير موضعه وأن يضع النعيم في غير موضعه، بل إنه سبحانه وتعالى حكيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، ولكنه لا يعذب أحدا على غير سبب، ولا ينعم أحدا على غير سبب، بل يجازيه الله بعمله. Donc le cheikh dit ce hadith, le hadith d'Abi Dhar, est un hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son seigneur, et c'est ce qu'on appelle le hadith al-Qudsi. Et c'est une différence entre le hadith nabawi et le hadith Qudsi, c'est que le hadith al-Qudsi c'est la parole d'Allah, tandis que le hadith nabawi c'est le hadith qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths Qudsi sont nombreux. Et parmi les hadiths Qudsi, il y en a qui sont authentiques et il y en a qui ne sont pas authentiques. Donc il ne faut pas penser que si un hadith est Qudsi, ça veut dire qu'il est nécessairement ou automatiquement authentique. Parce qu'il y a des hadiths Qudsi qui sont faibles. Et aussi le fait que le hadith Nabawi soit une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sûr qu'il y a une différence entre le hadith Qudsi et le hadith Nabawi par le fait que un est la parole d'Allah et l'autre est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que c'est clair que le hadith al-Nabawi, il fait aussi partie de la révélation d'Allah, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, il ne parle pas de lui-même, mais c'est une révélation qui lui est faite. Sauf que cette révélation, ce n'est pas la parole d'Allah, c'est la parole du prophète quand c'est le hadith Nabawi. Et quand c'est le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah. Mais encore une fois aussi, la différence entre le Coran et le Hadith Qudsi, elle est là également. Du fait que le Coran, c'est le Coran, et le Hadith Qudsi, c'est le Hadith Qudsi. Et les deux sont la parole d'Allah, mais les deux ne sont pas le Coran. Les deux ne sont pas le Coran. Et ensuite, le Cheikh explique qu'il y a des livres qui ont été écrits dans lesquels les ulama ont recueilli ou rassemblé les hadiths qui sont Qudsi ensemble. Donc tu vas trouver certains savants, par exemple, ils ont rassemblé les hadiths Qudsi ensemble dans un seul livre, ou bien ils en ont rassemblé plusieurs. Et il dit donc ça, ce hadith-là, c'est un des plus célèbres parmi les hadiths Qudsi. Et une des raisons de ça, c'est parce qu'il réunit en lui-même plusieurs éléments très importants. Et parmi ces éléments-là, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié lui-même de commettre de l'injustice. Et l'injustice, ça signifie de mettre quelque chose ailleurs qu'à sa place. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala est donc purifié ici de mettre le châtiment ailleurs qu'à sa place, c'est-à-dire ailleurs que pour celui qui le mérite, ou de mettre ses grâces ailleurs qu'à sa place, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est... Parmi ses noms, c'est qu'il est Al-Hakim, c'est-à-dire le sage. Et quelqu'un, lorsqu'il est sage, ça veut dire que ce qu'il fait, il le fait avec sagesse, c'est-à-dire pour une raison. Et il met chaque chose à sa place, hein, là où elle doit être et selon ce qu'elle mérite. Et comme il le mentionne dans le verset 21 dans Sourate Al-Ankabut, il châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Hein? Sauf qu'il ne va pas châtier quiconque sans que ce soit pour une cause, et il ne va pas faire grâce à quelqu'un excepté pour une cause. Mais il rétribue chacun selon ses œuvres. Et il dit ensuite, فَهَذَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا بِحَوْلِهِ وَلَا بِقُوَّتِهِ وَإِنَّمَا اللَّهُ هُوَ الَّذِي وَفَّقَهُ وَهَدَاهُ وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ خَلْقَ اللَّهِ لِأَفْعَالِ الْعِبَادِ وَإِنَّمَا فَإِنَّمَا الْهِدَايَةُ بِفَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَلَكِنَّ الْهِدَايَةَ لَهَا أَسْبَابٌ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ يفعلها العبد والضلال له أسباب من قبل العبد كما قال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أعطى واتقى وصدق بالحسنى فهذه أفعال العبد وهي سبب لتيسير الله له الحسن للحسنى للجنة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالعبد هو الذي يسبب لنفسه الشقاء أو السعادة والله منزه عن أن يظلمه ويعني يشقيه بغير سبب أو يسعده بغير سبب هذا وهذا محل الشاهد من هذا الحديث أن الجزاء إنما يكون على الأعمال كل يجزى بعمله لا يجزى ولا يؤاخذ بعمل غيره وهذا هو العدل من الله سبحانه وتعالى فإنه لو عذب أحدا بغير ذنب أو عذب أحدا بسبب عمل غيره أو نعم أحدا بسبب عمل غيره كان ذلك ظلما ينزه الله سبحانه وتعالى ينزه الله عز وجل عنه. Donc le cheikh, il termine donc l'explication de ce hadith-là en disant que donc tout ce qu'on fait, c'est par la grâce d'Allah et par le succès d'Allah. C'est-à-dire les bonnes œuvres qu'on fait, c'est par la grâce d'Allah et par sa force, hein, et par sa force et par son mouvement, parce que c'est lui qui fait bouger, c'est lui qui fait changer les choses. Et donc si quelqu'un fait du bien et si quelqu'un obtient du bien, eh bien c'est par le tawfiq d'Allah et par la guidance d'Allah qu'il l'a fait. Donc il reconnaît que le bien qu'il fait, c'est par la grâce d'Allah. Contrairement aux Mu'tazila qui, eux, pensent que l'être humain, c'est lui qui décide et c'est lui qui fait tout ce qu'il fait, hein, sans que ce soit prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les Mu'tazila, eux, ils renient, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala ait créé les œuvres des serviteurs. Ils disent non, chacun crée ses propres œuvres. Donc chaque personne est le créateur de ses propres œuvres. Et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui les crée. Donc si quelqu'un il est guidé, c'est uniquement par lui-même et non pas par la grâce d'Allah. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc le cheikh, il dit non, la guidance c'est uniquement par la grâce d'Allah. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Sauf que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de guider quelqu'un ou la volonté d'Allah d'égarer quelqu'un, elle est rattachée à sa sagesse. Elle est rattachée à sa sagesse. La volonté d'Allah est ralliée à sa sagesse. Les attributs et les noms d'Allah, hein, ils sont tous, yani, disons, ils agissent tous sur les... Allah subhanahu wa ta'ala agit selon ses noms et ses attributs. Hein, parce que c'est des noms et des attributs yani, que Allah subhanahu wa ta'ala manifeste dans ses actions, hein? Donc quand il guide ou il égare, eh bien, wa alaykoum salam wa rahmatullah, eh bien ça va être relié à sa sagesse, c'est parce qu'il est le sage, donc il agit selon sa sagesse. Il ne va pas agir d'une manière qui est contraire à la sagesse, hein? Et contraire à la justice et contraire à sa science, non. Et donc c'est pour ça qu'il guide qui il veut, il égare qui il veut. Sauf que la guidance, elle est reliée à des causes. Et ces causes-là, c'est des causes que le serviteur va mettre en pratique ou va appliquer. Des choses que le serviteur va faire lui-même. Hein? Lorsqu'il va faire les causes de la guidance, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider. Par sa grâce, par sa sagesse. Et lorsqu'il va faire les causes de l'égarement, eh bien, lorsque le serviteur agit d'une manière qui fait en sorte qu'il fait des causes de l'égarement, il va être égaré à cause de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça clairement dans plusieurs versets dans le Coran, et le cheikh il a mentionné juste un exemple de ça pour confirmer ce principe-là. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى » quiconque a donné et s'est préservé d'Allah et de son châtiment, en faisant ce qui est bien et en s'écartant de ce qui est interdit. Et il dit « وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى » et il a cru en « الْحُسْنَى » الْحُسْنَى, c'est-à-dire Yani, il a cru en la récompense du paradis et l'au-delà. Donc, Allah va lui faciliter, il va lui rendre facile la facilité. Il va lui rendre facile la facilité, c'est-à-dire il lui rendre facile le paradis. Il va faire en sorte qu'il va être capable d'aller au paradis, il va lui rendre facile ça. Pourquoi ? Parce qu'il a fait les causes. Il a donné, sadaqa, il s'est écarté des péchés, il a fait ce qui est ordonné, et il a cru avec sincérité. Donc Allah lui facilite le bien, et il lui donne la guidance. Et il dit également par rapport au contraire de qu'est-ce qui est bien, « وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى » Bakhila, c'est-à-dire quelqu'un qui a été avare. Il n'a pas voulu partager ou donner, il a gardé tout ce qu'il a pour lui. Wastarna, ça veut dire il s'est pensé suffisant à lui-même. Il pense qu'il n'a pas besoin d'Allah. Il peut se passer d'Allah. Wakadhaba bilhusna, et il a traité la récompense du paradis de mensonge. Il a renié l'au-delà. Il a renié la foi. Alors Allah va lui faciliter la difficulté. Il va lui rendre facile la difficulté, c'est-à-dire il va lui rendre facile le chemin vers l'enfer. Donc le serviteur, c'est lui qui fait les causes pour lui-même, soit pour avoir le bonheur ou soit pour avoir le malheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala est donc purifié de lui faire une injustice ou un malheur quelconque par autre que par sa cause. Ou de lui donner un bonheur quelconque par autre que par sa cause, ou bien sans cause. Comme si en voulant dire Allah, il va punir quelqu'un sans que la personne ait fait de cause pour être puni. Allah est purifié de ça. Parce que ça, c'est de l'injustice. Et Allah, il ne fait pas d'injustice. Donc, il ne va pas punir quelqu'un sans que la personne ait fait des causes nécessaires pour être puni. Il ne va pas non plus récompenser quelqu'un sans qu'il ait fait les causes pour mériter la récompense. Et la guidance. Et donc, c'est ça qu'on veut établir ici dans ce hadith. C'est que la rétribution, elle est toujours pour les œuvres. Et chacun sera rétribué selon ses actions. Et il n'y a personne qui va être pris ou puni pour les actions de quelqu'un d'autre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il ne peut pas punir quelqu'un pour les péchés de quelqu'un d'autre. Et il dit, si quelqu'un était châtié ou puni pour les péchés de quelqu'un d'autre, ou si il châtiait quelqu'un sans cause des œuvres qu'il a fait lui-même, ou qu'il punissait quelqu'un à cause des actions de quelqu'un d'autre, ou qu'il donnait une grâce à quelqu'un à cause des actions de quelqu'un d'autre, eh bien dans ce cas-là, ce serait de l'injustice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de toute injustice et de faire de l'injustice. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ce genre de choses. Il est au-dessus de l'injustice. Il ne fait pas d'injustice à personne. فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى مَا يَجِدُهُ الْعَبْدُ مِنْ خَيْرٍ وَأَنَّهُ إِذَا وَجَدَ شَرًّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. D'accord. On va s'arrêter ici. On continuera cette partie la prochaine fois, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.